Tagada. Salut ma grande. Ouais, je suis pas ta grande, d'accord. Christophe. Oui, salut toi. Bon, tu commences déjà à dire à Tagada qui reste poli. Tagada reste poli. Non, non, mais Manu, si c'est pour déconner là tous les deux, c'est pas la peine. Coyote. Bonsoir. Bonsoir. Foufi. Bonsoir. Claire. Oui, bonsoir. Et Yoko pour finir. Ouais, salut Gégé, salut tout le monde. Donc première question, avez-vous déjà passé votre permis, Christophe? Le permis quoi, voiture, hors bord. De toute manière, c'est les questions que je vous poserai après. C'est les réponses que je vous donnerai. Mais commence par le commencement, Gérard. Mais non, mais avez-vous passé déjà votre permis? Mon permis. Lequel? Non, mais justement, c'est là. C'est là la question, lequel? Et moi, je vous répondrai derrière lequel. Vous allez me répondre par lui. Donc, Christophe, pour toi. Le permis de trottinette, oui. D'accord. Foufi? Moi, le permis de Solex. Claire? Ouais, moi, banalement, permis voiture. Et Yoko? Moi, j'ai permis piéton. D'accord. Donc, comme la question, tout le monde attendait. Donc, lequel permis que vous pouvez avoir passé? Donc, tout le monde, il y en a une qui m'a répondu le permis voiture. Donc, automatiquement, le permis voiture, tout le monde le passe. Gérard, c'est quelle lettre, le permis voiture? Permis B. Bon, Claire? Oui. Claire? C'est quoi ta question? Avez-vous passé déjà votre permis? Donc lequel? Donc toi tu m'as répondu le permis B. Ouais, merci pour celui qui s'amuse à faire du tam tam. Merci. Au moins comme ça, ça ira plus vite en gueulant. Donc Claire, donc toi t'as déjà passé le permis B. Oui, voilà. Donc l'équivalent du par exemple si je te parle du permis moto, c'est l'équivalent à quoi maintenant? Claire. Si tu n'as rien à carrer dans ce cas-là, je vois pas pourquoi que je t'ai demandé de participer au deuxième débat. Mais non, c'est pas ça, mais je m'en fous de savoir ce que c'est que le permis moto. Je sais que jusqu'à 125, tu peux l'avoir avec le permis B, et puis c'est tout. Ah bah voilà. Non, non. Si. Depuis le mois de juillet l'année dernière, tu peux passer le permis 125 avec le permis B. Non. Je suis désolé. Tu connais rien. C'est scandaleux. Oh, écrase-toi, tu dégages. Ah si, moi je suis d'accord avec Gérard. Donne un coup de main. Yoko. Oui. Non, après la question Minitel, Yoko. D'accord. Oui. Donc il y a con sur le Minitel qui... Je te dis après, tu laisses parler Yoko, s'il te plaît. Con, on en a rien à foutre. Donc si je vous dis femme au volant, mort au tournant, qu'en pensez-vous? On parle pas de Lady Di. Bon alors toi tu dégages, bonne nuit à toi. Il n'y avait pas toi, c'était une ligne droite le pont d'Allemagne. C'est même pas la peine d'insister, Manu. Non mais Manu, dégagé. Mais non, comme quoi le pour revers. Non, mais on en a rien à foutre de ça, d'accord? On parle pas du pont d'Allemagne, de Dial Fayet, de tout ça, on s'en fout. J'ai pas parlé de... Bon, je sens que dans 4 minutes j'arrête. Non, Gérard, non. Gérard au volant, plaque de verglas au tournant. Bon, Manu, s'il te plaît, tu me gères ça. Ah ouais, Manu, là. Tu gères. Allô. Bon, allez hop. Allô, Gérard, je réponds, c'est Foufi. Donc, Olivier, tu dégages. Tu dégages, parce que tu viens de dire n'importe quoi aussi. Non, il est... Gérard, devant ton micro, merci. Tu viens de dire n'importe quoi, tu dégages, je vais plus te voir dans les studios, toi. C'est bon, Gérard. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Stop, s'il vous plaît, merci. Christophe est parti. Et on accueille Didier, il est professeur auto-école. Ah, c'est l'auto-école d'Erlich. Bonsoir, auto-école d'Erlich. Bonsoir. Didier à l'appareil. Bien sûr, pour préciser les marques d'auto-école, c'est bien. Ah, non, mais c'est pas mal, Manu, continue. Oui, Didier, j'écoute. Donc, alors, Didier. Oui. Donc, Attention à votre droite, hein. Priorité. Alors, si c'est pour commencer comme ça, c'est pas la peine.